émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Dinos. Passez une bonne soirée, bienvenue Planète Rap, une nouvelle semaine. Ça y est, c'est parti. Ouais. Comment ça va Dinos? Ça va bien et toi après? En pleine forme? En pleine forme, toujours. Tiens, prends bien le micro qu'on t'entende bien, qu'on entende ta belle voix. En pleine forme. En pleine forme. En pleine forme. Il y a une quinzaine de jours, sortait en digital le EP Apparence. Exactement. Comment ça va? Comment c'est reçu? Comment tu l'as vécu? On l'a bien reçu. Les gens, on a eu beaucoup de retours positifs, tu vois. Donc on a vraiment, ça nous a fait plaisir parce que on a beaucoup travaillé le projet. On s'est pris la tête en studio pour faire les choses vraiment carrées et même au niveau du visuel. Donc les gens, ils ont compris où est-ce qu'on voulait aller, tu vois. Et c'est vraiment cool. Et ben, on va pouvoir découvrir aussi ce projet. Si vous connaissez pas encore Dinos Punchlinovic. Ah, gars. Tu as vu, j'ai bien répété. Ah, mais c'est plus stylé quand tu dis Punchlinovic. Tu vois, il y a Vich. Vich, il y a un, truc, tu vois. Il y a un gangstérisme. Dinos Punchlinovic. Tu vois, il y a un gangstérisme. Ah, il y a le côté, je vois ce que tu veux dire. Avec le EP Apparence, petit point quand même et petit CV Express. Toi, tu viens de la Courneuve, région parisienne. Exactement. On t'a découvert, alors pour tous ceux qui ont suivi l'époque rap contender, s'il y avait ça notamment, quelques punchlines balancées par Dinos, ça donnait ça. Avant de te serrer la main, je me suis gratté le pouls. Je commence à en avoir marre d'avoir des vieux adversaires. Aujourd'hui, je dois battle contre le fils caché de Papa Wemba. Un gros porc, trop gore, avec un tas de boutons. Qui a un, deux, trois, waouh, quatre mentons. Ici, tout le monde sait bien que je te maîtrise en matière de clash. Toi, tu fais le mec péter thunes, mais t'es juste riche en matière grasse. Voilà. Petit extrait hein, de cette époque rap Contenders. Ouais. T'en as un bon souvenir? C'était trop cool. C'est vrai? C'était frais. C'est à ce moment-là que t'as rencontré Cynic aussi ou pas? Parce que je sais qu'il y a eu ouais, un moment où t'avais fait l'interlude. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cynic, ouais. Qui était juge au rap Contenders et qui avait vu ce que je faisais, qui avait kiffé et qui m'a appelé sur son album. Bon, à ce moment-là, tu fais quoi d'ailleurs? À ce moment-là, hormis participer au rap Contenders, tu bosses déjà sur des projets? T'as déjà lancé des choses? Ouais, j'avais déjà commencé un peu, mais rien de concret, tu vois. Et j'ai commencé à partir de la, je crois que c'était la cinquième édition à Contenders. Et c'est là que j'ai commencé à bosser mon premier EP que j'ai sorti en indé, l'Alchimiste. Il paraît d'ailleurs qu'il y a un morceau. Ouais. De rap français. Ouais. Qui t'a peut-être pas donné envie parce que t'as peut-être, t'avais envie déjà à l'époque, mais en tout cas qui t'a motivé à rapper, c'était celui-ci. Petit blind test, tu l'as reconnu? Bien sûr. C'est pas un blind test, ça. J'ai les yeux plus ouverts. Le patate de forain. En fait, j'avais 12 ans quand j'ai entendu ce morceau. Et c'était à l'époque où CF Tool était chaud sur les prods de Smith, tout ça. Et je connaissais pas cette gecko. Et dès que le morceau est sorti, je crois qu'il était en exclu sur Bouscapé. Et j'ai écouté et j'ai fait, oh putain, c'est trop chaud. C'est trop chaud. C'est vrai que ça fait partie des motivations, en tout cas, peut-être. Ouais, c'est un des morceaux qui m'a le plus bercé quand j'étais petit peu. Bon, et puis, depuis, il y a eu un parcours. On va en parler de ce parcours, évidemment. Et le mieux aussi pour découvrir Dinos, c'est de balancer un morceau. On débute avec un extrait du EP, c'est parti? Ouais, Namek. Ah, c'est le Namek? Ouais. Ah. Ah. Attends. Bah, comme collet, hein, parce que je vois qu'il y a... Parce qu'il y a un regard. Il y a eu un regard. Il y a un regard de Quincy. On va présenter quelqu'un d'important aussi dans la musique, Quincy, dans le rap. Et qui est Oumardinho. Qui est là, qui t'a aussi repéré et signé chez Def Jam, mais ça on va en parler dans un instant. Mais alors, a priori, non, on partait sur l'autre. Je voulais Namek, mais en fait, faut mettre Pound. Pound. Un petit mot sur Pound. Oh non, Pound. Dis Pound. Pound. Pound. Tu vois. Pound. Pound. Pound. Ça veut dire « fallas white girl ». C'est les Françaises, enfin les Blanches plutôt, qui ont des grosses fesses. Ben, ça va leur faire plaisir. Envoyez des photos d'ailleurs. Hein. Si vous êtes une paug, n'hésitez pas. Si vous êtes une paug, n'hésitez pas à faire plaisir à Dinos en balançant des photos via l'application Skyrock ou alors le skyrock.fm. Allez, c'est parti maintenant. Sur son boule, je m'endormirai sur son boule. Dans 6 mois, je change de pays. Choix de doigts de m'ouvrir les veines. J'en ai ras-le-bol d'être un génie, chérie. J'tenne des Carolines et des Charles. J'suis un Shaolin, j'fais des Shaolin, pas des shout-out. Même sans bave, ne jamais passer aux aveux. Maman, j'pourrais vendre des lunettes à un aveugle. Veulent me tirer les verres du nez comme si j'étais Imhotep. Négro, c'est quoi les bails, c'est quoi les hypothèques? J'me des panenka, nique le futur, j'veux retourner dans le passé. Ken sur capote sans attraper le das. La cour ne sème la zizanie. On a de la beuh plus épaisse que les sourds, sud d'Adil Rami. J'm'endors sur les étoiles, j'veux devenir charpentier. J'ai tout me faire des chèques en bois, me faire des chèques en bois. Négro, te fâche pas, j'kiffe écouter ton CD quand mes enceintes mangent pas. Yo, 12 mesures de guerre, concurrence à terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de converse. Sur ma paire de converse, m'appelle pas mon frère. Sinon j'te coupe les bras, j'te force à faire la quenelle. Yo, père, on est dedans. On est dedans, ah, on est dedans, mais gros, on est dedans. Je me sens élan, je me sens les bras, je me sens guélant, ah, je me sens les dents. Je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après. Yo, yo, père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule, m'endormirai sur son boule. Check. Le papa d'amitié, je suis là pour faire de l'oseille. Cercle des avions, je crache du kérosène. Rap sur un tas de merde. Parfois j'écoute mes sons et je me dis que je suis trop fort. La putain de sa mère. C'est négro, je le tue. Je ken comme un malade, je veux pas ton fun tel. Mets ton numéro de sécu. Des pogs et des taspés. Mais ta meuf, je suis instrumental. Tout le monde l'a kické, c'est une phase B. J'ai perdu la tête et c'est pas m'étrangler. T'es ridicule comme un vampire avec des dents d'anglais. Dans le métro sans mi-père, je croise des groupies. Tête baissée, j'émule un coup de fil. Si je vois un contrôleur, je me transforme. Je mets une balayette en disant please, my nigga, be to the train at the platform. A vrai dire, je la fous à ta place. On va le play dans la cuisine, Hakuna Matata. Faire le full over jamais. Full over jamais. Et gros, je suis dans sa jeu gore pendant que tu l'attends devant le footlocker Châtelet. Footlocker Châtelet. Footlocker Châtelet. Et gros, je suis dans sa jeu gore pendant que tu l'attends devant le footlocker Châtelet. Père, je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Où sont les gros boules? Père, je m'endormirai sur son boule. Où sont les pères sur son boule? Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Père, je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Père, je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Et le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. M'endormirai sur son boule. Hey, Skyrock. Aga. C'est extrait du EP Apparence qui est dans les bacs digitalement par qu'on peut choper tout de suite en cliquant. Ouais. Morceau produit par Richie, mon négro Richie qui est là d'ailleurs, derrière WAM quelque part. Et un des derniers morceaux qu'on a enregistré, c'est un de nos morceaux préférés. Non, j'ai demandé comment il est né ce morceau. Comment il est né? En fait, c'était l'idée. En fait, j'ai jamais pensé à ça. C'est venu tout seul dans ma tête. Tu vois, on était en studio et je lui disais quand il faisait l'approche, je faisais na na na na na na. Et je savais pas ce que je voulais dire. Et d'un coup, cette phrase-là, elle arrivait dans. Je m'endormirais sur son boule. Elle arrivait comme ça. Pow, d'un coup. Ah, d'où le nom aussi. Pow, pow, comme ça. D'un coup. Et voilà quoi. Et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ils ont kiffé. D'ailleurs, mon Twitter, @punchydinos, Facebook, Dinos Punchlineovic, pour réagir à l'émission, Dinos sur Skyrock, le hashtag. Ouais, hashtag, n'hésitez pas à balancer le hashtag entêté, pourquoi pas. Entêté, on va le faire, ils le font tout le temps. Si, mettent, si mail tout le temps. Si vous êtes nombreux à envoyer avec le hashtag Dinos sur Skyrock, même c'est mieux, ce sera plus simple pour être entêté. Dinos sur Skyrock. Vous balancez le message et peut-être que nous serons entêtés tout à l'heure. On suivra ça évidemment. On va passer des extraits du EP. Apparemment, tu nous feras du live aussi cette semaine. Bien sûr, du putain de live. Mais revenons sur cette carrière qu'on a commencé un petit peu à aborder il y a quelques minutes. Donc la Courneuve, Rap Contenders. Et puis à un moment, signature donc chez Def Jam. Ouais. France. Ouais. Qui est pas le label le plus dégueulasse. Pas le label le plus dégueulasse. Ils t'ont trouvé comment? Il y a Omar Dino qui est là, qui fait partie évidemment du staff Def Jam. Ils sont venus te voir en disant. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'était un jour Omar, il était sur le bon coin, il a tapé mon blaze. Il s'est dit merde, cherche rappeur. Non, c'est Omar, c'est bah toi qui avais parlé de moi, Omar. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était toi qui avais parlé de moi, Omar. Et merci Fred, je serais millionnaire grâce à toi. Omar, partage. Il y avait toi et deux trois autres personnes. Oui, d'autres personnes. Moi, Omar, et Omar m'a appelé un jour, m'a donné rendez-vous et on a parlé. Et tu connaissais son parcours aussi parce qu'avec son label GoldenEye. Bien sûr, et je voyais ce qu'il faisait et je connaissais déjà avant vu que je connaissais pas tout, enfin pas tout, c'est mon oncle et qu'ils ont taffé ensemble, tu vois. Et puis j'ai rencontré Benjamin. Et Benjamin, il a tout de suite kiffé ce que je faisais. Il aimait mon écriture, il m'a dit. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, simple, tout se passe bien. Ouais, tout se passe bien. T'es content? C'est vraiment cool, c'est vraiment une bonne équipe. Tu vas continuer l'aventure. Toute une équipe qui est là. Franchement, je voulais faire un gros merci à toute l'équipe, que ce soit Omar, que ce soit Richie, que ce soit Jamel, putain de Jamel, que ce soit Julien, Pauline et tous ceux que j'oublie. Voilà quoi. Mais donc c'est important aussi d'avoir une structure derrière toi parce que toi t'étais en indépendant, t'as sorti 2-3 choses, tu les balançais sur le net. Ouais. C'était et puis d'un seul coup, donc quand on arrive en maison de 10, c'est quoi? C'est plus de contraintes ou moins contraintes justement? Plus une tranquillité. En fait, il y a toujours quel que soit ce que tu fais, il y a toujours des contraintes en fait. C'est juste que le fait d'être en maison de disque, t'as une partie structurée que t'avais pas avant et t'as des gens qui s'occupent de telle ou telle chose que t'avais pas avant, quelqu'un qui s'occupe, un community manager, un manager tout court, une chef de projet, tu vois. Et tout ce truc là, ça te permet de te mettre en confiance parce que tu sais que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui seront là pour mener à bien le projet et voilà quoi. C'est vraiment cool. Et puis le projet qui se prolonge sur scène aussi parce que demain soir d'ailleurs t'as un concert. Exactement. Il y aura le Planète Rap mais il y aura le concert aussi. Exactement. Je vais mettre, tu sais, quand Goku il met ses doigts sur son front. Enfin, on sera en direct des loges. Ou presque. Exactement. Non, concert, donc tournée, il y a des choses de prévues. Donc demain c'est Paris. Paris, 3 baudets. 20h. 20h ? Ouais, 3 baudets. 2 grecs. Ah quoi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, si vous voulez des places pour aller voir demain soir. Donc si vous êtes sur Paris, région parisienne, des places pour voir Dinos en live. Attention, soyez attentifs, ce soir on file pas évidemment le projet dédicacé, mais des places pour aller te voir en concert demain soir aux 3 baudets. Ouais. Si vous répondez à cette question, par quel moyen Dinos a-t-il été découvert par le public rap? Putain, c'est dur mec, c'est trop dur comme question. C'est simple. Par quel moyen a-t-il été découvert? Allez-y, vous balancez la réponse avec le hashtag Dinos sur Skyrock ou alors au 41759. Allez-y, balancez tous les bonnes réponses avec votre prénom, numéro de téléphone afin de vous rappeler le live. On peut le suivre ou pas sur skyrock.fm? Là, ça avait bugué, donc là maintenant les images sont dispo. On peut mater Dinos en vrai, il y aura du live dans quelques minutes. Et là on met un autre morceau d'apparence, Dinos? Ouais. On t'avais dit Namek. Non, je déconne. Tu veux Namek? Ouais, Namek. Allez, Namek. Il a été demandé celui-ci aussi. C'est un des morceaux les plus demandés sur les réseaux sociaux, sur les pages Skyrock. Namek, extrait de Dinos Punchlinovic. Et c'est dans les bacs, digitalement dans les bacs, ouais. Le 14 avril. Posé sur Namek, négro. 12 mesures de guerre, concurrence par terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air. J'm'almène le rap game. Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma man, j'éclate les Wackems. Meilleur Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par césarienne. Quoi? Né par césarienne. Volant se transforme en moltonnel. Je passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où je me barre en croisière. Me barre en croisière au Langaro sous le casino. Où je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la Benz. Mets du son dans la Benz. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Négro, poser sur Namek. Où ça? Poser sur Namek. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Skyrock. Et je kick sec. Ma rime se disperse, j'kenne le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse, on a dit pas les nerfs. Merde, je le répète pour 4-5 frères. Frère. Le savoir est une arme, j'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le ballon comme Piccolo, ils sont verts comme des Namek. M sur le front, je suis l'héritier du trône des Saiyens. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis je suis comme Zidane, j'ai plus donné de la tête. Avant de parler de rap, bien me déclare-toi l'assassin. J'suis peut-être sur Detox, mais tu le sauras jamais. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Négro, poser sur Namek. Négro, poser sur Namek. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. Je gratte mes textes à la salle du temps et je vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Hey. Yo, produit par Richie Beats encore. Négro, négro, ok. Namek, Namek, Namek, négro, hey yo, je vais me poser sur Namek. Namek à l'instant, c'est extrait du projet Le EP Apparence de Dino Spenchlinovic. Aga. Avec nous entre 20h et 21h tous les soirs de la semaine pour ton Planète Rap. Pour mon Planète Rap. Et je peux te l'annoncer puisque tu nous le disais il y a quelques minutes, tu es déjà entêté à la troisième position. Les gens suivent avec le hashtag Dinos sur Skyrock. On est entêté. Les gens sont mobilisés. En moins de 15 minutes, je suis vraiment content. Merci. Continue à tweeter qu'on soit entêté jusqu'à la fin de la semaine. Ça, tu l'as senti justement. Il y a eu une fanbase qui s'est greffée à ton univers. Je les sens à chaque fois qu'on balance des trucs, qu'on fait des concerts, qu'on fait des émissions. Je vois qu'ils sont là et c'est vraiment. Ça me fait vraiment plaisir qu'il y a des gens qui ressentent ma musique et qui comprennent ce que je veux dire. Bon, tout à l'heure, tu nous feras du live, c'est extrait de Paix Apparent. Je sais pas ce que tu feras d'ailleurs, c'est plutôt freestyle, plutôt morceau, plutôt... Surprise. Surprise, c'est surprise tout à l'heure. Là. J'ai ramené un petit bail là, un petit bail chaud là. Et c'est bon, on a... Et nous avons Samy par téléphone qui, je crois, lui aussi était très rapide. D'accord. Et a la bonne réponse à la question que j'ai posée pour aller te voir demain au concert. D'accord. Allô, Samy. Ouais, Samy, ouais, allô. Ça va bien, Samy? Ouais, tranquille et toi? T'appelles d'où, Samy? Ça va. J'appelle Dordi dans le 9-4. Dans le 9-4. Tu connais Dinos? Ouais. Bah oui, je le connais. Ça va depuis longtemps. Ça tu connais depuis longtemps. Tu suis depuis combien de temps, toi, Samy? Bah depuis Rap Contender, depuis la draft. Et voilà. C'est bon. Donc si je te pose la question, par quel moyen a-t-on découvert Dinos? La réponse? Rap Contender. Rap Contender, on en a parlé il y a quelques minutes. C'est vrai que c'était un vrai coup. Un projecteur, forcément. Il faut s'en servir aussi. C'est vrai. C'est vrai. Je peux le reconnaître. Samy, tu as une petite question, tu veux dire quelque chose à Dinos ou une dédicace? Ouais, moi je voulais lui dire déjà que depuis l'Alchimiste, je l'écoute, depuis l'album, enfin l'EP. C'est le c'est un projet qui était sorti, voilà. Ouais, merci mon pote. Et donc je voulais passer aussi une dédicace. Vas-y, fais-toi plaisir mon pote, t'as le droit de dédicacer tout, tu veux, qui tu veux, toute ta famille. C'est merde. Alors je vais passer une dédicace à Maj, à Samy, à tout le monde, à Stéphane, à Raphaël. Et Arthur et tous ceux que j'ai oubliés. Eh ben très bien, merci à toi Samy. Demain tu seras au concert de Dino. S'il y a deux places pour demain, toi. Demain tu viendras me voir et tu vas quitter, comme ça je te reconnaîtrai et on se checkera. T'avais pas prévu d'aller au concert? Non, j'avais pas prévu ça. Eh ben voilà, c'est... mais t'es libre demain soir? Ah bah oui, oui, bah oui. Eh ben voilà, deux places pour toi pour les trois baudets demain à 20h. T'es bon. Ok. Pour aller voir Dino. Dans quelques minutes on va revenir, on mettra encore un extrait d'album avant d'attaquer le live, Dinos. Pas de l'album, je dis l'album, le EP. Le EP. Parce que maintenant c'est bien de sortir des EP, c'est un format plus court, même si là, attends, quand tu regardes bien, il y a quand même 11 titres avec les inédits, c'est ça? Parce qu'il y a des titres inédits en plus. Il y a que des inédits. Et il y a un bonus. Des bonus, pardon, ouais. des titres bonus en plus. Imagine, un titre bonus. Donc on n'est pas loin de l'album non plus. C'est un format qui est bien, qui te plaît toi aussi? Ouais, ça me plaît parce que ça te laisse une certaine liberté, une certaine marge. Tu peux faire beaucoup de choses en faisant pas beaucoup de choses en même temps, tu vois. Donc voilà quoi. Alors quel morceau on met alors? Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien? Ouais, produit par Richie, encore Richie, il a tout fait, putain. Mais c'est qu'il est bon. Il est bon. C'est qu'il est très bon. Bougez pas, dans un instant, Dino Spunchlinovic est de retour sur Skyrock. Comme toi, Dinos a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec Dinos Punchlinovic. Force. Voilà, exactement. Avec nous, toutes les semaines, entre 20 et 21, le EP apparent, c'est dans les bacs, digitalement parlant. Exactement. Il n'est pas sorti en support physique. Donc c'est uniquement du digital pour l'avoir. Ouais. Faut cliquer, faut aller l'acheter maintenant. Ouais. Bon, c'est 24 sur, donc c'est ouvert 24 sur 24 pour l'avoir. C'est ouvert 24 sur 24, ça ferme hop. Voilà, donc si je sais pas d'un c'est seul ça coup, l'avantage. Hop, vous êtes illuminé d'un seul coup. Oh mince, 23h, j'ai pas encore acheté le EP. Il faut que j'aille cliquer tout de suite pour le récupérer. C'est exactement ça. Vous pouvez y aller, on va écouter un morceau maintenant qui s'appelle Quelqu'un de bien. Ouais. C'est un morceau que t'as clippé, t'as fait On a fait le clip au Cameroun. Richie qui a fait la prod, Charlie Claudion qui a fait le clip. Et Cameroun parce que c'est les origines. Ouais. On est reparti au Cameroun, c'était vraiment cool. On a bien mangé, on a bien chillé, on a bien tourné, on est rentré sain et sauf. Et c'était vraiment cool. Et t'as quel rapport justement avec le Cameroun? T'y vas souvent? Non, ça faisait trop longtemps que j'étais pas allé. Depuis que je suis petit, j'étais pas allé. Donc, j'ai revu des trucs, je me suis souvenu de quelque chose, tout ça, mais la mémoire a été floue. Après, j'ai revu des gens de Paris qui étaient au Cameroun, des Camerounais que je connais aussi. Donc, c'était vraiment cool. Et voilà, quoi. C'était juste un... C'était bon de retourner, ouais. C'était bon de... Juste un décalage parce qu'on est parti en novembre. D'accord. Et en novembre, il faisait putain de froid ici. C'est-à-dire que là-bas, il faisait putain de chaud, non? Putain de chaud. C'est-à-dire que je suis parti, je suis revenu, je suis tombé malade, tous les bails. Bon, tu vas bientôt y retourner? J'espère. Ouais? J'espère. Ça t'a manqué? T'as retrouvé, justement, parfois quand on va pas dans un pays et qu'on y retourne? Ouais, ça fait, tu te ressources un peu. Mm. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment cool. C'est une bonne expérience, tu vois. Et ben, on va écouter maintenant, puisqu'il y a quelqu'un aussi, bien. Il y a le clip et il y a surtout le son. Quelqu'un de bien, c'est extrait du EP apparence. C'est un des morceaux préférés du EP. Hey. Hey. La haine, l'amour, m'amène. J'avoue que je suis pas toujours correct sur certains points. Des fois je mens, des fois je blesse, mais je suis quelqu'un de bien. On juge sur l'apparence, c'est ça le problème. Si je tue pour ma famille, serais-je quelqu'un de mauvais? T'as dit à tes potes de pas commettre l'adultère. Et au final, t'as fini par le faire. Pourtant tu l'aimes, maintenant qu'elle sait, c'est toi qui saignes. On est d'accord, les formules magiques des marabouts d'Afrique. Elle est directe sur moi pour que tu saignes encore. J'ai l'impression que je me répète, tu sais. Mais l'humain est une erreur, c'est pour ça que l'erreur est humaine. Les hommes changent devant l'argent, ils habitent à Mazembe. On pense en devenir tout puissant, est-ce que tu me sens? On cause du tort. Ensuite on fait du mal, on s'en rendra compte lorsque ce sera déjà trop tard. Si on pouvait, on éviterait cet effet papillon. Mais tu sais, avec des sillons, on refait les partitions. Souvent je fais souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Je crois que je suis quelqu'un de bien. Ouais. Je crois que je suis quelqu'un de bien. Je sais même pas ce que ça veut dire, quelqu'un de bien. Non, je sais pas, non. Hey. Il casse du sucre sur mon dos, disant que je suis mauvais. Et depuis je dors mal. Non, rien de grave, juste un peu de glyco sur les Pindersas. Six sur mon dos, disant que je suis mauvais et depuis normal. Non, rien de grave, juste un peu de glyco sur les Pindersas. On a trop touché sur les gens, même avec une équerre on verrait les choses du mauvais angle. Je connais des prisonniers et d'autres qui fument des joints. Leur casier est une inverse mais ce sont des gens bien. Je veux juste rester le même avec plus de dollars. Je veux pas prendre la grosse tête, je veux pas Philippe Bouvard. Je veux juste rester le même avec plus de dollars. Je veux pas prendre la grosse tête, je veux pas Philippe Bouvard. On cause du tort, ensuite on fait du mal. On s'en rend pas compte. Shout out à mon pote Lenny, Grégory Boniface pour ses putains de voix. Hey. Mais tu sais, avec des sillons, on fait une partition. Souvent je souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Wow. Souvent je souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Wow. Souvent je souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Wow. Souvent je souffrir les miens. À part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Ouais. Je crois que je suis quelqu'un de bien. Je sais même pas ce que ça veut dire être quelqu'un de bien. Non, je sais pas, non. Hey. Quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Je sais même pas ce que ça veut dire être quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Je sais même pas ce que ça veut dire être quelqu'un de bien. Hey, hey, quelqu'un de bien. Aga. Quelqu'un de bien, c'est extrait du EP Apparence. Ouais. Bon, ça va? Qu'est-ce qu'on dit autour de toi que t'es plutôt quelqu'un de bien? Je crois, mais je sais pas ce que ça veut dire, quelqu'un de bien. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça le truc. Je l'écrivais et je me disais que, en fait, je me demandais ce que c'était vraiment quelqu'un de bien. Tu peux juger. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles, tu sais, apparence. Tu peux juger qu'une personne est bonne sur l'apparence, mais en fait, elle l'est pas forcément. Ou toi, tu peux juger qu'une personne est bonne et l'autre mauvaise. Dans ce cas-là, est-ce que la personne, elle est bonne ou mauvaise, tu vois? Je me posais cette question. Et je me dis... C'est comme à chaque fois, on dit, ouais, lui, c'est un vrai, lui, c'est un faux, ça veut absolument rien dire. Parce qu'il faudrait côtoyer les gens en permanence pour pouvoir dire, exactement, au bout du compte, lui, c'est un vrai, exactement, lui, c'est un faux. Ouais, Fred, c'est un bâtard. Non, Fred, c'est un bon. C'est vrai. Les deux. Les deux. Les deux. Tout dépend de l'autre. Quand tu dis Punchlinovic, t'es un bâtard. Un gros, quand tu dis Punchlinovic, t'es le mec le plus chaud de la terre. Le mec, quelqu'un de bien, mais incroyablement bien. Non, mais toi, t'as l'impression, justement, sur ton parcours, d'être quelqu'un de bien. Le parcours de Dino, c'était quoi, même à l'époque où t'étais un peu plus jeune, rapport quoi avec les parents, bien? Non, mais je pense pas que ce soit à toi de juger que t'es quelqu'un de bien. Je pense que c'est plus les gens. Bah, tu peux avoir quand même un aperçu de, voilà, de ce que tu es. Ah, oh, bah, je l'ai dit dans la chanson, tu vois. Je crois que je suis quelqu'un de bien, mais dans le fond, je sais même pas ce que ça veut dire être quelqu'un de bien. Tu vois? Et tu peux faire, bah, c'est ce que je disais, tu peux faire du mal, causer du tort, en pensant que t'es quelqu'un de bien, mais tu t'en rendras compte quand il sera déjà trop tard et que le mal sera déjà fait, tu vois. Voilà, on va essayer de savoir. Par exemple, avec les proches, quand t'as dit que t'allais faire du rap. Ouais. C'était plutôt conflictuel ou plutôt vas-y fonce? Conflictuel un peu, tu vois. Ah ouais. Renoir à tous les vibes. C'était dur? Conflictuel, ouais. Les cours, c'était plutôt quelqu'un de bien, Dino, son cours ou Non, en fait, j'étais. J'étais quelqu'un de bien. Moyennement bien. Non, j'étais, tu vois, l'élève qui fout la merde, mais qui a des bonnes notes. C'était moi, en fait. C'était ça le truc. Oui, donc, ouais, dissipé, mais voilà, quand il fallait y aller, j'étais trop chaud. J'étais trop chaud. T'étais bien. J'étais trop chaud. T'étais quelqu'un de bien quand il fallait y aller. Quelqu'un de bien, sauf en maths. Bon, dans la musique, t'as l'impression d'être quelqu'un de bien? Bah, si je suis entêté, grâce à tous ces négros qui tweetent, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et c'est que eux aussi, c'est des gens bien. Et je crois qu'on est premier d'ailleurs, non? Ça a basculé number one. Ah, on est premier? Ça y est, ça a basculé numéro un, entêté. Je vous emmène au grec. On va tous au grec. Hashtag Dinos sur Skyrock. Mettez aussi Dinos premier sur iTunes, par exemple. Ce serait bien. Pour le EP Apparence. On a failli le dire. J'ai vu, c'était bien. Deuxième. C'était ouais. Deuxième sur iTunes. C'est même super bien passé d'ailleurs. C'est cool, ouais. Mais ça peut continuer encore cette semaine, hein. Ça peut continuer. Ceux qui vont te découvrir, ouais. Qui vont se dire, tiens. Ceux qui vont écouter Planet Rap. Ce mec-là, là, il y a deux, trois morceaux que j'ai entendus, des Namek, des POU, des POU. Non, des POU. Ah, POU. POU. Oh, tu me fileras un cours après. Je te filerai, mais non, bon. Tu me fileras. Toujours eu des problèmes avec toi. De toute façon, il y a une époque, j'arrivais pas à dire Dinos Punchlinovic. Tu dis, ouais, ça. Ça, c'était une vraie guerre. En même temps, tu fais pas dans la simplicité, c'est ça. C'est vrai. C'est là-dessus ou quelqu'un de bien, on peut avoir des doutes parfois. C'est vrai. C'est vrai. Je te l'admets. Bon, on écoutera peut-être, non, on fera du live dans quelques minutes si tu veux bien. Ouais. Juste avant, je te présente quelqu'un bien pas très loin de chez toi, de la Courneuve, de Bobigny. C'est Nahir de Bobigny. Allô. Ouais. Ça va bien ailleurs? Ouais, tranquille. Hein. En pleine forme? Ouais, très bien. Tu connais Dinos? Ouais, je connais. Ça fait un moment que tu le suis aussi? Ouais, je le suis. Eh ben, on va te suivre nous aussi maintenant d'ailleurs, puisque c'est à toi de rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ok, ok. Allez, coup d'envoi. Crache le feu, mon pote. Ah, ok. Bouboche, bouboche, bouboche. RDG, 1. N-A-H-I-R. Ça fait, ok. 1. RDG Mafia, headshot. Sors le matos comme à Bobigny, ok. 1. Dans le game, mon très rang, les putes, c'est tes aimes. Dans le silence, je te blesse, je te laisse à terre. Ma pose et je pose des couplets qui bagneront ton existence. Mettons, j'ai les pare-balles, ça rafale. Casse le visage avec un bandana, ça va. Paya dans un bolide bleu avec Zaya, alléluia. Pendant que les rages ne sont pas là, ratatata, tu me rattraperas pas. Des fois, si tu me claques, je ne te louperai pas. Deux fois, bouffon, je dépasse la concurrence. Des races croisées dans une impasse, que ça sans laisser de traces. Laissez aller, coquille, c'est carré parce que t'es connu. Les négros nous regardent chelou, on les tuera en temps voulu. Toi, tu travailles, moi j'évolue, on te rafale, t'as le donu. T'as des rimes banales, t'as la défoulée dans ton cul. Je m'en bats les yeux. Leur place trouve au bois de boue. C'est la loupe du sang partout. Tu te t'as mis chez moi, je suis partout. T'es le rap français. Ta soeur dans l'ascenseur. Oui, ton neveu sera conçu. L'affaire est classée dans le classeur perso. Butez-les, aidez-les. Sniffe la CC de Medellin. De Crary, tu lis entre les lignes. Les négros boucles quand je crie, tu es les négros fragiles, faut remballer. Je pine aérer le game, je serais désolé. Je ne jacte pas, je préfère rafaler. Ma calage rase éclair qu'ils ont tous avalé. On te laisse à terre, mais qu'on te laisse à terre. Mais qu'on te plaît sur la zone FM, sur les ondes FM. Je débarque dans ta radio. Je débarque dans ta radio. Je débarque dans ta radio. Je débarque dans ta radio. Ok. Ok, Nahir, à l'instant de Bobigny. Merci à toi, Nahir. Lourd. Ouais, c'est chaud, mon pote. Bah voilà, petit dédicace à passer. On peut te retrouver sur le net quelque part. Ouais. Il y a la page LDG officielle sur Facebook, Twitter LDG officielle. Dédicace à tous mes négros, Pizzy, JRM, les Mafoulou, LDG, Reflex, tous les Samy, Boboche, les deux Samy, il y a tout le monde, mec. Et là, merci. On a sorti un gros clip. Ouais. Allez soutenir. C'est du lourd. Ça s'appelle comment le clip? Headshot. Ok, ça roule, merci à toi, Nahir. Bon courage, mon pote. Si, merci, ma gueule. Bon courage pour la suite. Dinos est là avec nous. Dinos, maintenant, les gens le réclament, je crois que c'est l'heure du live. Ah ouais? Ah ouais? En fait, faut que je t'explique quelque chose pour ce putain de live. C'est que là, pour ce premier jour, je voulais pas faire un live sur face B comme tout le temps, tu vois. Et j'ai ramené un putain de négro là, qui est derrière WAM, qui s'appelle Jazz, tu vois. Et c'est un négro qui a une putain de machine. Et il est en arabe musique, tu vois, avec sa machine. Il est en Just Blaze, tu vois. Mm-hmm. Et je pense qu'il va me faire il va me taper un petit truc sur sa putain de machine. Donc c'est quoi? Il fait du son? Il fait du son, il a un groupe avec ses potes musiciens. Et on a fait un concert ensemble au New Morning en Unplugged. Et j'ai joué avec eux sur scène. Ils faisaient de la machine sur scène. Il y a le négro Eddie aussi qui est là, putain de batteur. Il y a mon négro Steph qui est là, putain de pianiste. Et les trois, ça, ils ont un crew. Et ce soir, il y a Jazz qui va me faire des putains de prods. Donc en fait voilà, les prods sont balancés en live. C'est les prods faites en live. C'est-à-dire que là, alors qu'il est, je me mets dans la merde. Attends, parce tu que les connais pas, tu sais pas écouter. Je sais pas ce qu'il va faire. Non mais jure, t'as pas écouté. Non, j'ai pas écouté. Tiens, donc, là, je me mets dans le micro d'ailleurs, parce que attends, ouais, parce que toi, je sais que t'es quelqu'un de bien, mais est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur la machine que t'as devant toi? Bienvenue déjà dans Planète Rap. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, on t'entend super bien. Donc c'est quoi cette machine là, que t'as juste devant toi? Ouais, c'est une machine en fait où je mets des samples dedans et puis je joue les beats en même temps, tu vois. Et en fait, Dinos, il m'a appelé, il m'a dit, vous voulez un truc différent, ça. Tu vois, donc c'est vraiment du live, donc je vais jouer en live, quoi, direct. Je vais le beat. Ah, tu l'as pas, tu garantis que t'as rien fait écouter? J'ai rien fait écouter, il m'a appelé hier et tout, je lui ai dit, ouais, tu verras, j'ai des samples, voilà, freestyle, hip-hop, tu vois. Ah ouais, donc c'est une bonne petite pression, c'est une première celle-ci, là, dans l'émission. Faut pas que je me rate, faut pas que je me putain de loupe, tu vois. Et bah, allons voir si tous les deux vous êtes chauds. On va voir ça. Allez, c'est parti maintenant en live dans Planète Rap. Attends, essaye de me commencer un truc. Après, il faudrait du son, yo. Ah. T'as pas de son, prends t'as pas casque, de son. Tiens, viens, on va te filer un casque quand même. Ah oui, c'est un casque, négro. Si t'entends pas, c'est clair que ça va être compliqué. Est-ce que tu entends tout là? Est-ce que t'entends au moins déjà les voix? C'est bon? Yeah. Allez, tu peux commencer par une putain de rythmique, s'il te plaît, voir ce que ça fait. Juste la rythmique. Ouh! Ok, ça roule. Check. Envoie le sample maintenant. Yo, yo, ok. Bif, là pour faire du sale. On est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. On est là pour faire du bif, là pour faire du sale. On est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. Check moi, yo. Oh, namasté, quad 9 PD. Tu me regardes d'être haut, maintenant tu me regardes à la télé. Fêlé, je t'en mets la main à mes pires ennemis. Aujourd'hui je mange au grec avec la thune de Vivendi. Tout niqué, c'est dans le programme. Ils veulent me couper la queue comme si j'étais Son Gohan. Cette année je sors mon EP, j'enchaîne sur un bord mal. Je travaille comme un chinois, les classiques, on fait ça normal. Je prédis mon avenir, c'est même comme si je le construisais. Ils parlent tous de futur sans même savoir le conjuguer. Je suis posé sur ma mec. Hey yo gros, je suis ailleurs. Cette année je me fais shout-out par une autre actrice de chez Brazzer. Je prépare de la bonne, je suis au fourneau. Je vais toucher le ciel, toucher Laurent Bonneau. Je me retiendrai pas de fusiller ceux qui ont parlé sur moi. Avec un 9mm fan de tir, c'est pas que j'y crois. Ils aillent tous se rentrer des mini-gods. Essayez pas de me barber, je suis un ZZ Top. Cherchez pas la guerre, les mecs, faut rester cool. 2014, mon putain de son passera sur téléfoot. Des sommes colossales sur mes chèques. Je signerai des autographes sur des grecs. Je me pavanerai comme un prince dans ma ville. Et je prierai Dieu pour rester en vie. Drive-by, arrache ta race, bâtache ta bassaga. Je me gratte plus l'épaule en public, j'ai trop peur de me faire mbalambala. Mbalambala, je rappe à plat, t'as en concurrence invisible comme le boule de Nicky à 20 ans. Apparence le 14 avril, je crois que les petits de ma Tessie apprécient. Attendre ma sortie, genre sous Big Avelli. Ça vend des vies, moi je me contente d'écrire. T'as même pas le brevet des collèges, comment tu veux comprendre mes rimes, hein? Tire, salope, tire. Litchi aussi à son paroxysme. Connaissent rien en rap, ils vont sortir leur EP 14 titres. 14 titres. Saloperie, ils ont rayé ma paire de Nike. Je dois refaire la carrosserie. Je me lève à l'aube comme si je m'endormais à 3. Si le buffet grossir, je le beurre. Et l'argent du beurre, Omega 3. Critique mon son, mon sgeg check tes lèvres. Ta sœur m'appelle David Guetta quand je la prends à 300 BPM. Je suis un prince, c'est le mec, tout. Je mange du porc, j'envoie des cœurs à Maracli. Et je vous baisse tous. T'as jamais vu un fou de la sorte. Écoute d'abord, t'es ton Ascom, Susan Boy ou Soulja Boy sous alcool. Mon son tourne du parc au Vélodrome. Je suis le noir de la Courneuve, le bleu de Paris, le rouge de Bordeaux, le vert de Rome. Rat des villes, tout ce que je touche transforme en or. Pour ça que je te frappe pas, si je te mets une droite, t'auras des grilles. Yo, hey yo John, continue à jouer le son, s'il te plaît. Tu peux me faire une autre rythmique? Voir ce que ça fait. Shit, shit. Ok, je vois le truc. Ah, check. 12 mesures de guerre, concurrence à terre. Mais gros, j'ai tout un crew en dessous ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air, je m'amène le rap game. Si je fais disque d'or, je rachète le grec de ma tête. À l'aise, ma man, j'éclate les Wacken. Si, hey, en renard, je m'appelle Jules, je suis né par césarienne. Né par césarienne. Volant que transforme en Moltonel. Je passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où je me barre en croisière. Me barre en croisière. Roland Garros sous le casino. Je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la benne. Mets du son dans la benne. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Je m'applique et je kick sec. Ma rime se disperse. Je ken le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Maurice. On a dit pas les nerfs. Merde, je le pète pour 4-5 frères. Le savoir est une arme, j'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le bras long comme Piccolo, ils sont verts comme des Namecs. M sur le front, je suis l'héritier du trône des Saiyens. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis je suis comme Zidane, je sais plus où donner de la tête. Avant de parler de rap game, déclare-toi l'assassin. Ah, je suis peut-être sur du tox, mais tu ne sauras jamais. Ah, bang, ah, bang. C'est chaud ce que tu me fais, Jazz, c'est putain de chaud. Ok, t'as pas une autre merde de sample en stock? Yo! C'est sérieux! C'est sérieux! Wouh! Ok, lance le truc pour voir. C'est chaud cette merde. Gire, gire, gire, gire. Ah, je rentre sur le beat, tous ces clochards jump. Je suis dans le building genre Donald Trump. napalm sur les volets de ses fils de. J'crache du feu, j'marche avec des dragons comme un skieur. J'flingue rough, méfiez-vous de ma team. Dans ma jungle, je règne les troupes s'agitent avec plein de rough. J'fêterai mon anniversaire une fois tous les 4 ans comme si j'étais né un 29 février. Bref, arrêtez de vous prendre pour des hipsters. Arrêtez les triangles sur vos t-shirts. En juillet, il me faut une Donna Summer. En décembre, il me faut une Ophélie Winter. Freestyle, on crise d'ado. J'rappe 7 sur 7, Cristiano sur Cristiano. Tous ces négros attendent mon projet. Souris jaune comme ma Simpson, oh Dieu. J'suis ni un message ni un porte-voix. J'suis mature, j'fais des ratures noires, mais j'porte mes noix. Parce que pour rapper, faut être un gangster, n'importe quoi. J'parle pas de braquage dans mes sons et j'suis bien plus hardcore que toi. J'veux une sécu de footballeur. J'm'engraisse comme un président, bien manger, c'est le début du bonheur. Négro, et ça fait ça la jar. Drink, hey, Thomas jar. Drink, hey, Thomas jar. Drink, hey, lève ton grec en l'air. J'sors mon scud, j'crée ma marque. Dans 6 mois je pèse. J'suis bien trop intelligent pour vos histoires de thèse. Ah, les négros veulent tester mais ils sont tous HS. Le rappeur dans la 09. Ah, ah, faut que ça cesse. Trouvez des nouveaux flows, arrêtez de rapper comme ça. Rapper comme ça. Rapper comme ça. Tard le soir sur Brazzer ou sur Skyrock, ma gueule. J'me balade sur la toile comme Peter Parker. Apparence. J'en sens un truc ou pas? Apparence. Dieu. Fuck ce truc. Dieu. T'as d'autres merdes encore en stock pour moi? Ouais. Une putain de merde encore. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. On rappelle que si vous arrivez à l'instant, c'est Dinos, notre invité, dans Planète Rap. Les beats, tu les connaissais pas du tout. Absolument rien pas. Rien écouté. Absolument pas. Ça se voit qu'il m'a mis en danger sur ce beat-là, parce que je m'attendais vraiment pas. C'est trop chaud. Ah, et celui-ci, danger ou pas danger, celui-ci? Just Blaze. Ok. J'ai un truc pour voir. Négro, apparence, dire, hey, apparence sur iTunes, apparence sur iTunes, apparence sur iTunes, négro, apparence sur iTunes, apparence sur iTunes, apparence sur iTunes, apparence sur iTunes, hey, check, ah, apparence sur iTunes, négro, apparence sur iTunes, négro, apparence sur iTunes, négro, check. J'suis venu tout rafler comme au vélodrome d'hiver. J'suis venu tout rafler comme au vélodrome d'hiver. Lorsque la lune apparaît, hey, check, oh. Lorsque la lune apparaît, c'est là que j'écris mes textes. C'est là que mes rimes se déversent. J'm'évade, j'récite mes vers. Frère, les 6 mois sont passés, j'parle mandarin. La vie me laisse impuissant et le Viagra n'y changera rien. Égorge ta meuf chez les parallèles et Aïd Mabrouk. Oh, je crois que ma média m'a perdu la boule. Pas le temps pour la frime. Je leur ai dit que je voulais être rappeur. Ils ont cru que c'était un poisson d'avril. La mort c'est personne. C'est pour ça que j'ai peur de personne. Y'a le blast de la faucheuse sur ma Death Note. Rien à craindre comme un kamikaze. Côté cœur j'ai ce qu'il faut. Je m'en branle de Nabil Abila. Je veux me barrer me faire la malle. Mon meilleur frappe est toujours là. Malgré ça je suis quand même blasé de la life. Je suis passif drôle. Je peux pas tout citer, ça va pas le faire. Mais en gros je suis comme Twitter. J'ai 140 caractère, yo, invincible, rentre-le-toi là-dedans. Je suis le type personne, y'a que mon grand frère qui peut mettre à l'amende. Invincible, personne n'y pourra rien. Pour marrer, j'avance sur le brasier en poirier. M'appelle pas bro, je fais des fratricides. J'ai le bif de Pascal Nègre. Dans mon compte, je serre la main, il sait même pas qui je suis. Prêt avant la guerre, pareil que j'épate les gens. Yo, j'ai trop d'avance, gros. D'après la légende, je serais né avant ma mère. Ils ont jamais cru en moi, c'est pour ça qu'ils me descendent. Si demain je réussis, ils diront que c'est quelqu'un qui me ressemble. Innocent, je fais ma zik, mon bif pour me barrer d'ici. Je partirai en première classe, qui sait, j'ai peut-être croisé Kenzie. Mais fuck ce truc, négro, fuck ce truc. Je rappe comme un forcené, je torche le game, torse-né, je cogne. gagne. Les gros fuck ce truc. Je suis si loin du parcours sans faute. Plus dur c'est pas le futur quand ton destin a été tracé par un manchot. Apparence sur iTunes, yo. Check, ok. Ça fait I wanna rock right now. Négro j'ai dit I wanna rock right now. Par mal de la capsule, les négros pèteront là-dedans, yo. Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend, yo. J'ai 37 ans d'avance, yo. Invite-moi sur ta mixtape si tu veux te faire mettre à l'amende, yo. J'suis défoncé, j'écris mes textes le soir à partir de minuit comme un fou. Quand j'ai plus d'inspi, j'ai des vidéos de BBW, ah. Je libère mon esprit, et quand j'écrase, je me transforme en S-Bill. Oh, des phases de guerre, je peux te calciner sur un couplet. Un crâne de pierre, je peux te lapider sur un coup de tête. Ces rappeurs en déclin veulent faire des rimes de jeunes. Les gros, t'as 40 piges, tu parles encore de 10 de seum. Non, non, je sais pas, t'es qui, t'es pathétique, je dégomme ta sale tête. De toute façon, t'as pas d'équipe. Ton seul ami, c'est Tom de MySpace. Des questions existentielles, en romançant mes histoires. Qui se ressemblent, ça semble, ok, mais comment font les Chinois? Tesla clique et tous mes gars t'explosent, négro. J'suis attendu comme le retour de Mega Upload. Négro, négro, négro, négro, négro, check. Yo, ils comprennent pas mes textes, ces petits cons, ça m'agace. J'ai dit lève ton grec en l'air, ils ont cru que j'parlais de Nico Saliaga. Ce micro, ça tabasse, schizo, ma caillasse. J'rime trop, les petites go, kiffent trop ma ganache. Arrêtez de vous prendre pour des swaggers, bande de losers, chétif. Snapback Riders, mais tu connais aucun joueur de l'équipe. Geek Jump, beat up, steel stuff, petite stuff. J'suis tous les jours grec à propos de crever comme Big Pun. Spécimen unique dans le froid. Tu vois une étoile filante, fais le vœu draper comme moi. Balle au pied, je fais le tour du monde, globe trotteur. Les négros m'appellent Deep Motherfucker. Motherfucker, apparence. Cette merde est totalement chaude. Jazz, tu peux me remettre le premier sample? Il était vraiment trop chaud celui-là. Jia. Jia. Yeah. Yo, yo. Ça vient de la Courneuve, tu sais que ça va te briser les jambes. J'suis là pour faire du bif, m'en bats les couilles de devenir une légende. J'suis un porc, j'mange des cheesecakes dans mes toilettes. J'suis trop fort, faut que j'fasse un feat avec moi. Même les négros veulent me prendre en photo, me prennent pour un demi-dieu. Lunettes de soleil et coupe de Ronaldo en 2002. J'suis dans le game pour faire du perforage. Ma vie c'est une énigme trop compliquée, même pour le père Fouras. J'suis au top gros, j'étais déjà plus fort que vous à l'époque où j'mettais des caleçons Léopoldo. J'ken tous ces MC's en préliminaire. J'suis le meilleur de ma génération, avouez les minets. J'crois que j'suis un peu fou, je vis tout ce monde comme si c'était des coiffeurs de Château Rouge. Yo, j'termine mon 16, les meufs m'applaudissent. J'suis pas un rappeur, j'suis Dino Spensteinovich. Wine to my check, me touche, excelle au chrome, petit frère. J'suis venu tout rafler, comme au vélodrome d'hiver. Ils veulent tous clasher, moi j'donne du respect, cousin. Les négros me cherchent, mais ne me trouvent pas, c'est du Estelle Mouzin. Bon sang, j'suis clip, c'est pour ça qu'y'a pas de pause pipi. À la Courneuve, check Norris ne serait qu'une grosse victime. Un cahier de rime, pour faire des livres sterling. J'ai tout le temps mon sang froid, les négros croient que j'fais de l'hypothermie. J'prépare mon bas mal, tes bougs auront des crises. Vous serez plus fort que moi quand les poules auront des grilles. Parle de lumière, frère, ça reste incongru. Chez moi, Voltaire et Diderot ne sont que des noms de rue. Les négros font les caïras, gang des barbares. Parce qu'ils ont cru que le placard c'est le monde de Narnia. Obligé de m'en faire, le climat me rend malade. C'est pour ça que j'ai peur de vivre, j'suis en tropique du cancer. Apparence négro. Apparence négro. Hey. Apparence négro. Check. Ah, là pour faire du sale, on est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. Là pour faire du beef, là pour faire du sale, on est au-dessus des lois, yo, vous êtes en dessous des tables. Sur un âge de regret, sur un trait d'union, j'avance avec le don de l'échec et le don pérignon. Quand il pleut des cordes comme dans la chambre de David Carradine, on se baratine, mais la vie est paraffinée. On veut de la paraffine et de l'or. J'ai menti sur la tête d'un homme politique. Je crois que c'est de ma faute si Kadhafi est mort. Peur de finir comme le Christ, je n'ai pas d'apôtre. On jure sur la vie de nos mères, comme si elle, elle jurait sur la nôtre. L'honneur, l'honneur, l'honneur, pour sages-tu? Bonheur, bonheur, bonheur, où te caches-tu? J'attends que tu tendes la main. Mais je crois que j'ai brisé notre amour. Et Olivier de chez Carglass n'y changera rien. Notre histoire était belle et maintenant je la trouve moche. Mais quand les sentiments sont sales, y'a plus d'amour propre. Ça confirme bien ce que je passe mon temps à dire. J'suis pas comme les autres mecs, non. J'suis 15 fois pire, hey. J'demande pas la lune, moi. J'veux seulement qu'on me comprenne. Son allèlement, j'me sens seul au monde comme Corneille. J'suis tombé si bas. Pour en parler, faudrait que j'vende des marrons chauds. Putain, quelle rime de pack-pack. J'ai perdu ma raison de rire et ma raison de pleurer. En fait, j'ai fait d'une pierre deux coups comme le petit pousset. Alors j'me trouve seul dans mon monde. Et tout se replie parce que j'ai des mauvais penchants comme la tour de Pise. Dans le bizarre, dur d'avancer. J'm'appelle Jules, j'mange du porc et j'suis le futur du rap français. J'essaie de changer, de m'adapter. Mais je suis habité par la 14e lettre de l'alphabet. Fin. Time. Game. Apparence, négro. Je pense qu'on peut faire du bruit pour Dinos à l'instant en live. Et Jazz, c'est ça, hein, qui était aux manettes. C'est bien ça, c'est hein. Ça, ouais, Jazz. Yeah, là, il y a plein de gens qui te réclament pour refaire du son. Hein. Ouais. Moi, j'ai plein de mecs qui rappent, qu'on voit des messages en disant putain, il est trop chaud le mec. Allez, bah, allez-y, hein, SoundCloud, Belair, B-E-L-A-I-2-R. B-E-L-A-I-2-R. A-I-2-R pour avoir la plus de renseignements sur Jazz qui était là, donc, à la composition en temps réel, puisque toi, tu ne connaissais pas les morceaux, tu connaissais pas les sons ni les samples. C'était incroyable parce que c'était trop chaud et il m'a surpris, bah, il me surprend tout le temps, donc. Voilà quoi. Bah, la semaine commence bien. Merci beaucoup, Dinos. Avec l'EP, je rappelle que l'EP est digitalement. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux. @punchydinos. PUNCHYDINOS. Sur Twitter. Et sur Facebook, Dinos Punchlinovic. Sur Vevo. Punchydinos Vevo. Et voilà quoi. Ça s'appelle Apparence. Et retrouve-moi demain soir aux 3 Baudets à 20h. Et en même temps sur Skyrock, c'est incroyable. Et sur Skyrock. Tu vas te dupliquer. Putain de merde. C'est dingue. C'est dingue la technologie. C'est dingue. Bon, allez, on fait tourner la roulette avant de se dire au revoir et de retrouver la radio libre de Default dans un instant. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani dans toute la France. Allô, comment ça va? Allô. C'est Gian, c'est ça, d'Avignon? Oui, c'est ça. Bienvenue, comment ça va? Ça va, très bien, et vous? Eh ben, écoute, en pleine forme, je te présente Dinos, c'est notre invité tous les soirs, il est là. Quoi, Gian? Oui. Tu penses que tu vas gagner ce soir? Tu l'as intimidé. J'espère, hein. Je vais te faire gagner, t'inquiète. Tu sais que c'est une collègue à toi qui est dans la roulette. Ah ouais? C'est ouais. Nawel Madani. Ah, moi, bon, je vais te faire gagner. Allez, c'est parti, on fait tourner, je dis collègue, parce qu'elle est signée aussi chez Def Jam. Exactement. Sur la partie comédie. Def Jam comédie. Et elle est en tournée un peu partout dans toute la France, Nawel. Allez la voir, franchement. La défonce, Nawel, hein. Allez, dès que tu veux, Gian, c'est fait. Et c'est deux places pour le 28 mai à Marseille, ça te va, c'est bon? Oui, ça me va très bien. Voilà, direction Marseille, le 28 mai, loupe pas le spectacle de Nawel Madani, qui ont fait un bisou d'ailleurs, et qui défonce tout sur scène, tu vas passer un super moment, je te promets. Ah, merci, c'est gentil. Tu veux faire une dédicace? Vas-y, ouais. Je fais une dédicace à toute ma famille, Hamza, Wahid, Leïla, et à toutes mes copines, Férouz, Manon, Yasmine, Mélanie, Fadoua. Merci à toi, Gian. Merci à vous. Bisous, Gian. Passe une belle soirée. Merci, Dinos, pour cette première soirée dans l'émission dans Planète Rap. Merci à toi. Merci à la radio de m'accueillir. Tu reviens demain? Demain. Un petit peu avant 20h. Un petit peu avant 20h. Avant de partir pour ton concert. Un petit peu. À pas louper demain, et là c'est Difool et toute l'équipe. Oui, et attention, ouais, c'était... La Marie, j'étais un bon toi quand j'avais 14 ans. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais à 14 ans? J'étais un bon toi, c'est tout ce que j'ai à dire. Il pensait à être très très fort le soir. Okay, là, j'ai un petit peu peur quand même. J'ai quelques idées, moi, Marie. Hein. Oui, moi aussi, c'est pour ça que Fredo faisait pareil. Non, Fredo. Ouais, Fredo, c'est pareil. Ouais. Fredo, c'est elle. Oui, mais moi, j'ai fait sur la Marie. Voilà, c'est ça. Les trucs horribles. Eh ben, Dino, si tu veux avancer un petit peu dans cette relation qui a démarré il y a longtemps. Magnifique. Bah, n'hésite pas. Non, mais il a 16 piges, Dinos, donc c'était il n'y a pas vraiment. Oh, le bâtard. En tout cas, je suis ravie de le savoir. Franchement. Merci, Marie. Je suis emballée. Vous pouvez témoigner, alors laissez des messages pour la Marie, dites-lui si vous aussi avez des expériences. Vous avez des pensées, des expériences avec elle. N'hésitez pas. Eh bien, Dinos, demain, Dinos Punchlinovic, j'ai bien dit. Parfait, c'est ça, parfait. Parfait, tu es au top, Difool comme d'hab. Tout le monde se plante, non, Dinos? Ils sont tous nuls. Sauf toi. Ah, sauf toi. Ah, bah, t'as vu? T'as le flair. C'est grâce à ton nez, ça. Et allez! Je vois la petite attaque sournoise. Je vois qu'on a affaire à un fidèle. N'attaque pas trop sur les nez parce que je défends toujours des foules là-dessus. Oui, t'as Fred en face de toi, fais gaffe. D'accord. Dans un autre genre, oui, pour les nez, oui, c'est clair. Nous avons eu le même médecin. Exactement, le même chirurgien esthétique. Le même chirurgien esthétique. Bon, mais merci à vous deux pour le Planète Rap. C'est super, on recommence demain, juste avant 20h. Ça démarre Planète Rap tous les soirs, 20h, 21h sur Skyrock. Et là, c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock aussi, Radio Libre. Et vous aussi, vous avez une belle visite là. Ah, ouais. Il y a très songs. Il y a des S de partout dans vos noms. Dinos, Punchline. Ah, oui. Très songs. C'est un Z, on sait même pas d'où il sort son Z. Lui, c'est un Z. Et bien, il sera avec nous tout à l'heure. Très songs dans la Radio Libre, il arrive. Il pèse 10 millions de dollars, Romano. Ah, ah, il est bien riche. 10 millions. Ah, ouais, il pèse 10 millions de dollars. Il a 29 ans. Ah, quand même. Il vient nous rendre visite une nouvelle fois. Il y aura bientôt un Planète Rap d'ailleurs, Fred, bah, pour très sans rien vous cacher, on l'a enregistré cet après-midi. Très bien. Et autant vous dire qu'il est en pleine forme. Eh ben écoute, il était tout content de revenir. Il dit ah, ce soir je reviens et tout, je vais revoir les dingues. C'est bien. Les dingues sont là. Qui parle. C'est vrai, il était super content de venir. Eh ben nous on est super content de le recevoir avec vous tout à l'heure. Si j'ai lu après un mot en français, vous découvrirez tout à l'heure s'il s'en souvient. Ah d'accord. C'est assez simple. D'accord. Ça va être quoi? C'est un truc de cul, non? Non. Non, bon, ça va alors. Il a besoin d'avoir un petit mot en français, c'était un petit truc tout gentil. Bon. D'accord, bon, on lui demandera. Voilà. On apprendra d'autres trucs, nous, t'inquiète. Oui, bah, ça, j'en doute pas. On est là jusqu'à minuit, c'est parti. Radio Libre dans un instant en direct sur Skyrock. Profitez-en, appelez-nous, laissez-nous vos messages, faites péter les réseaux sociaux. On arrive tout de suite sur Skyrock. Ciao à toutes. Salut, Fred.